Dossier 4. Phonigraphie. Leçon 1. Activité 1A. Écoutez et indiquez si vous entendez « yen » comme « Fabien » ou « yen » comme « Fabienne ». 1. Le tien. 2. La moyenne. 3. Le doyen. 4. Ils deviennent.